Pages arrachées à Jean Rouault. La vie poétique. Autobiographie littéraire en cours d'écriture. Extrait choisi par Julie Amant. Premier épisode, un radeau de jeunesse nommé Guitare. You say the jam was rocking, going round and round. En 1990, Jean Rouault fait une entrée remarquée en littérature avec la parution aux éditions de Minuit de son premier roman, Les Champs d'honneur, qui reçoit le prestigieux prix Goncourt. Il a alors 38 ans et la saga familiale qu'il s'apprête à écrire commence. Une saga gorgée de pluie et de souvenirs d'enfance. Une saga qui s'ancre dans sa Loire Atlantique natale et ressuscite sans complaisance ni nostalgie un monde pieux et rural à jamais disparu. Or, le parcours fut long avant que Jean Rouault n'accepte de devenir l'écrivain qu'il devait être. Celui qui, de livre en livre, examine son héritage, affronte ses fantômes, questionne la modernité et ses mots d'ordre. C'est qu'il a eu 16 ans en 68 et rien ne le préparait à l'avènement d'une nouvelle ère. Lui, le fils de petits commerçants bienveillants mais rigoristes, orphelin de père depuis l'âge de 11 ans et élève timide d'une école catholique de Saint-Nazaire où l'ordre ancien tentait encore vainement de se maintenir. Qu'est-ce que l'époque lui a fait? Comment l'onde de choc des années 70 a influé sur son parcours? Par quel tâtonnement existentiel et poétique est-il passé avant de mettre en mots les romans qu'on lui connaît? Depuis 2011, Jean Rouault se penche sur ces questions par le biais d'un nouveau cycle autobiographique qui a pour titre « La vie poétique ». 4 volets ont déjà été publiés, 3 autres devraient suivre. C'est donc une œuvre en cours de création que nous vous proposons de parcourir, au plus près des préoccupations actuelles de son auteur. Et puisque le récit n'est ni linéaire, ni chronologique, que l'ordre des volets importe peu, comme le dit Jean Rouault lui-même, nous prenons la liberté de débuter ce feuilleton par des extraits de La vie poétique 2, intitulé « Une façon de chanter », où l'on découvre que la guitare est le radeau de jeunesse de l'écrivain, sorte de laissez-passer grâce auquel il espère échapper à sa morne adolescence pour embarquer sur le grand courant contestataire de l'époque. Un courant qui l'encourage à maudire les coiffeurs, le travail, l'argent, et à mettre en musique ses premiers poèmes inspirés par Rimbaud et Aragon. Rimbaud, c'est un mot comme Aragon, on a se branché à Napoléon. Je me plains, c'est une espèce de façon de chanter. Du coup, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est évidemment le chant. La souffrance au chant, le chagrin au chant, la plainte au chant, mettre en chant son chagrin. Mon chemin d'écriture est autour de la mort de la vie politique, des liens, déterminé par cette époque-là. C'est une autobiographie littéraire. La musique comme mode de libération. Et puis il y avait Flower Power, etc. L'instrument de la bourgeoisie, à savoir le piano, l'air du temps. La guitare devient cet instrument de libération. Le piano, c'est un instrument très lourd, comme le ras, comme ça. Système de valeurs, enfin, toutes ces conneries-là. Et puis à un moment, il y a ce besoin d'un savoir scientifique. On apprenait d'oreille, formidable faculté de pouvoir lire des partitions, finalement, des accords les uns aux autres. Cette façon d'avancer comme ça, uniquement à l'oreille, et cette tension-là que je raconte. Il y avait une frustration terrible aussi, une horrible quantité de force et de science que le sol a toujours éloigné de moi. Écrire comme ça me chante. C'est l'unique photo de mes 20 ans, ou 19 peut-être. Mais 18, je ne crois pas, à la coupe de cheveux. Ils ne sont pas si longs. Même si une masse sombre me cache aux trois quarts le visage, tandis que le haut du corps se penche sur la guitare, on ne passe pas d'un seul claquement de doigts des ténèbres de la réaction, le collège, aux lumières de la révolution, la faculté. Autrement dit, d'une longueur relativement sage, aux cheveux tombant sur les épaules. Ce qui demande du temps. Et pas seulement un temps de repousse. qui procède par étapes successives, retardant à chaque fois le moment de retourner chez le coiffeur. Et sur ce point, la polémique faisait rage. Un chanteur célèbre, qui avait commencé sa carrière avec ce bulbe bouffant en surplomb du front des rockeurs pionniers, sentant le souffle de la jeunesse le pousser vers les vieilles gloires, entonnait en représailles « Cheveux longs, idées courtes ». Il était plutôt mal placé pour apporter la preuve du contraire. Mais sa charge de comique troupier situait bien les enjeux. Les idées des cheveux longs étaient ancrées à gauche et les plus longs à l'extrême gauche. Les cheveux longs, c'était l'étendard de la révolte. Da-da-da-dam-dam. Faut-il pour être libre avoir les cheveux longs, longs, longs, longs, longs. Da-da-da-dam-dam. Da-da-da-dam-dam. La première année à l'université, j'étais si désemparé par ce chambardement des esprits qu'il me semblait être Caspar Hauser sorti de sa cellule de confinement, débarquant au même âge dans une rue de Nuremberg, marmonnant « Cavalier veut, père était et tout juste capable de signer son nom ». Je ne comprenais pas grand-chose à ce qui se passait. Peinant à démêler les divers courants idéologiques, à assimiler un vocabulaire militant qui résonnait à mes oreilles comme une langue étrangère, ignorant les querelles originelles des pères fondateurs qui avaient abouti à des scissions successives dont les nuances politiques m'échappaient. Mais sur la critique du monde ancien et de ses valeurs surannées, j'étais d'accord. Il y avait au moins un point commun à toute cette jeunesse contestataire que je pouvais adopter, sans passer par des cours d'endoctrinement, et qui valait pour un engagement, sorte de manifeste de la rébellion, la chevelure. Si je voulais suivre ce mouvement libérateur, et je le voulais pour moi, pour ma vie, qui ne pouvait pas ressembler à ce que m'avait inculqué pendant des années ce temple d'obscurantisme qu'était le collège Saint-Louis, à Saint-Nazaire, je pouvais au moins me faire une tête de circonstance, laquelle passait par ranger les coiffeurs parmi les ennemis de classe, ce qui coulait de source. Les cheveux courts dénonçaient de la graine de fasciste et une coupe militaire, un Waffen-SS. L'affaire était entendue, inutile de passer la parole à la défense. J'étais d'autant plus enclin à maudire les coiffeurs sur 30 générations que récemment l'un d'eux, après avoir écarté mes racines comme les singes se cherchent des poux, avait décrété que je perdais mes cheveux. L'annonce me foudroya, comme si on m'avait annoncé une maladie dégénérative. Profitant que je glissais, effondré, de mon fauteuil, l'impitoyable me proposait sur le champ un examen capillaire scientifique pour tenter, non pas de stopper. Il n'y avait pas de produit miracle. C'était bon pour les bonimenteurs de western qui vendaient au milieu du désert une lotion multi-usage à des indiens alcooliques et des fermiers édentés. Mais de retarder l'implacable érosion du cuir chevelu. Ce que, en dépit des risques dévastateurs que j'encourais, je refusais. Un rapide calcul mental m'ayant permis d'évaluer que ce recours à la science, sans garantie aucune, me coûterait la distribution d'à peu près 300 000 prospectus, ce qui était ma mesure étalon de la richesse et la source de mon argent de poche. Mais c'est ainsi que je sortis de son salon, lesté d'un nouveau traumatisme. Jusque-là, il me semblait que la charge sur mes épaules était suffisamment lourde. Je n'avais pas besoin qu'on entrave davantage mes premiers pas d'homme libre. M'aurait-on montré alors, dans l'état de délabrement mental où m'avait mis le coiffeur, une photo de moi aujourd'hui, j'aurais demandé « Sont-ce bien des cheveux sur la tête de ce vieil homme ?» Et ce n'est pas en raison de la difficulté à me reconnaître derrière ces traits alourdis depuis la photo de mes 19 ou 20 ans. L'âge, on le sait, a du bon et du moins bon. Mais depuis ce verdict sentencieux, Il m'était tout simplement impossible de m'imaginer dans le futur, autrement que le crâne nu. Celui-ci d'aujourd'hui, vu d'hier, ne pourrait donc être moi. Me l'aurait-on confirmé, j'aurais bondi de joie. Ensuite seulement, j'aurais constaté les dégâts collatéraux, me demandant par quel miracle, n'y croyant pas, louant le Seigneur, promettant de me tenir sage. Mais pour l'heure, le compte à rebours avait commencé. Les cheveux jonchant le bac de douche après un shampoing, ceux accrochés aux dents du peigne, que je comptais, après avoir lu qu'il était normal d'en perdre une certaine quantité, mais pas au-delà. Tout me confirmait, et le fait arithmétique que j'explosais les quotas, le diagnostic impitoyable du coiffeur. L'issue était inévitable, et à ce rythme de chute, imminente. Je jouais alors de la guitare, comme on le voit sur la photo, et j'avais des ambitions de ce côté. Or, quand on regardait les pochettes de disques, une chose n'était pas négociable. Les cheveux longs. Impossible d'imaginer un guitariste chauve. Plus tard, on y viendra. Mais pour l'heure, c'était la condition première. La guitare passait en second. Autrement dit, ce que je regardais tomber, c'était mes espoirs de carrière. Les progrès de mon jeu n'y pourraient rien. Les coiffeurs n'imaginent pas leur pouvoir. Ou peut-être, les doléances des plaignants ayant sans doute fini par leur revenir aux oreilles. Cependant, une chose est sûre. Après avoir enfilé la camisole flottante de drap blanc, après s'être assis sur le fauteuil comme sur une chaise électrique, une fois garrotté par cette sorte de gangue de caoutchouc noir posé sur les épaules et enserrant le cou, on est à la merci, corps et âme, de leurs doigts d'argent. Et les dégâts, pour un bon mot ou un mot de travers, peuvent être considérables, allant bien au-delà d'une coupe ratée dont on se console en se disant que les cheveux repousseront. Au coiffeur, on ne remet pas seulement ses cheveux. C'est comme si l'éclat métallique des ciseaux fauchait en même temps une auréole de pensées intimes. Cette photo est aussi l'unique témoignage de la cuisine de la maison familiale, laquelle a été notre centre, notre unique lieu de vie pendant notre enfance. Nous y passions tout le temps que nous ne passions pas à dormir, sauf quand le cousin Joseph nous entraînait dans le jardin. Derrière le jeune homme en pull noir ras du cou, on reconnaît les carreaux de faïence d'un jaune crémeux qui tapissait en U la moitié de la pièce où s'encastraient l'évier, la paillasse, la cuisinière et le frigo. Seul signe visible de cette activité, on aperçoit, suspendu au mur, le dévidoir de papier d'aluminium dont notre mère faisait grande consommation, toujours soucieuse de bien envelopper les aliments, de manière à contenir des odeurs qui n'ont ni à se mêler ni à s'épandre, avant de glisser les plats dans le réfrigérateur aussi minutieusement rangé que ses armoires à linge. Autre signe, de l'autre côté de la porte aux carreaux vitrés ouvrant sur le bureau, un pense-bête, constitué d'un petit rouleau de papier sur une applique en plastique blanc, où il arrivait à notre mère de noter la liste des courses à l'aide d'un crayon suspendu à une ficelle, qu'on ne distingue pas ici. Peut-être une pratique déjà abandonnée. La plupart du temps, comme avant, on garde tout en tête. Et s'il arrive qu'on oublie un achat, on repart en courant le chercher. Rien n'est loin. Tous les commerces disposés en cercle ou en épi autour de la place. Même si, à ce moment de la photo, la menace d'une supérette se précise, que notre mère a déjà décidé de boycotter pour ne pas faire de tort aux petits commerçants. De fait, quand elle s'implantera, elle n'y mettra jamais les pieds, continuant à faire ses achats dans les rayons à moitié vides de la dernière épicerie et à prix d'or, laquelle fermera quelques semaines après sa mort. On peut hausser les épaules devant cet entêtement ridicule. On peut aussi se rappeler que pour ces gens, la parole n'était pas de la fausse monnaie. À droite du jeune homme, la porte en bois plein donnant sur le couloir est grande ouverte, comme à son habitude. C'est par là que, de temps en temps, nous voyons filer notre comète laborieuse sur ses éternels petits talons, les bras chargés de cartons, tandis que nous traînons à prendre nos petits déjeuners après un réveil tardif pendant les vacances. Il y a des chances pour que le gros ouvrage posé sur la table recouverte d'une toile cirée à carreaux vieux, roses et blancs soit le petit dictionnaire Larousse illustré. Notre vieille habitude d'y recourir chaque fois que l'orthographe d'un mot ou sa définition nous pose problème. S'il ne nous en apprend pas assez, alors nous poussons plus loin notre recherche et ouvrons l'un des 6 volumes du Larousse du XXe siècle. Mais là, sans doute, pas nécessaire. Je peux même deviner la raison de l'épais volume sur la table de la cuisine. Il n'est pas impossible que le ténébreux jeune homme cherche un synonyme qui lui fournirait une rime appropriée, car le ténébreux jeune homme compose. Il ne connaissait pas 3 accords que déjà il écrivait sa première chanson. Je me souviens du refrain. Le premier vers en était plus ou moins emprunté à Rimbaud. Un octosyllabe qu'on ne trouve nulle part dans son œuvre, ce qui dit bien qu'une grande partie en est perdue et qui ne survit que dans l'exergue d'un poème de Verlaine. Il pleut doucement sur la ville. Suite à quoi, le pauvre Lélian enchaîne son ariette triste. Il pleure sur mon cœur comme il pleut sur la ville. Dans mon refrain, j'avais remplacé doucement par sans cesse. Sans doute pour ne pas qu'on m'accuse de plagiat, mais se rappeler que nous sommes dans l'Ouest, où les statistiques sont formelles, il y pleut en moyenne 1 jour sur 2. Je n'avais pas été sans remarquer l'humidité du climat. J'ai encore en mémoire l'air qui accompagne le refrain, et pour les accords, vraisemblablement la mineur et mi mineur, avec peut-être un ré mineur, les plus faciles à passer pour un débutant. Je me souviens également de la suite, du moins du vers suivant. Les couplets, je les ai oubliés. Mais je ne la chanterai pas. Je ne veux pas provoquer les ricanements universels qui ne manqueraient pas, m'obligeant à des mimiques de circonstances pour bien montrer la distance entre le jeune homme et moi, comme si elle ne se voyait pas. Ce qui reviendrait à me désolidariser de lui, à le jeter en pâture, alors que je lui dois tout. Aujourd'hui, les commentaires désagréables, je m'en moque. Je les jauge à la hauteur de ceux qui les font. Mais pas le jeune homme. Je le sais pour l'avoir intimement fréquenté. La moindre remarque le blesse, l'enferme encore plus dans sa solitude. Aucune raison de lui faire ça. Je tiens à le protéger. Je sais par où il est passé. Et si on me proposait aujourd'hui sa jeunesse, je dirais non merci sans façon. Car le corps du jeune homme, serrant contre lui sa guitare, se penche au-dessus d'un puits de désespérance. C'est au collège qu'il a découvert l'instrument qui va le sauver. La dernière année, celle du baccalauréat. Grâce à quoi, lui qui ne travaillait pas beaucoup, n'a plus rien fait. Strictement rien. Au point que, appelé à passer l'oral de chimie, en session de rattrapage, il s'est montré incapable de donner la formule de l'acétylène, la confondant avec celle de l'éthylène, ou réciproquement, ce qui n'était pas une bonne nouvelle pour un élève censé passer un bac scientifique. C'est en désespoir de cause que l'examinateur lui avait lancé cette bouée de sauvetage du niveau de la classe de seconde, alors qu'il se noyait au milieu de formules chimiques à peine plus compliquées. Il pensait ainsi faire une fleur au jeune homme mal à l'aise, ignorant et buté, histoire de nourrir les quelques points qui lui éviteraient la relégation dans l'opprobre et le redoublement. Comme l'épreuve de physique s'avérait aussi lamentable, peut-être m'avait-il demandé la différence entre 1 kilo de plume et 1 kilo de plomb, il m'avait généreusement doté d'un 5 sur 20, et le 5, sans doute, fallait-il l'attribuer à sa compassion. Peut-être que dans ce genre de circonstances, un examinateur se livre à un examen de conscience. Je tiens entre mes mains l'avenir de ce jeune homme. Si je lui mets une note inférieure à 5, ce sera peut-être pour lui la maison de redressement, les quartiers de haute sécurité ou la rue. Donnons-lui une chance d'échapper au destin tragique qui l'attend. D'autant qu'à son procès, il serait capable de me rendre responsable de sa dérive criminelle, son avocat pointant un doigt accusateur dans ma direction. Si cet homme que voici s'était contenté de donner un 5, seulement un petit 5 à mon client, car entre nous, Madame le Président, est-Hélène ou acétylène, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Il lui évitait la dérive fatale qui l'a conduit dans ce prétoire. L'examinateur entendit sans doute l'argumentation de la défense et m'accorda la note minimale, ce qui me sauva. Mon bac péniblement en poche, grâce à de meilleures prestations en français et en histoire, je pouvais abandonner les maths et la physique, qui me sortaient par les yeux. La physique surtout, avec ses masses qui ne font pas le poids et ses principes d'incertitude. Au lieu qu'avec les maths, il m'arrivait de trouver des beautés poétiques à certaines démonstrations. Et entamer des études de lettres à l'université, où le jeune homme, ne travaillant pas davantage, sinon pour lui-même, passa son temps enfermé dans sa chambre d'étudiant à composer des dizaines de chansons, parfois plusieurs dans la même semaine, en vers rimés, mesurés, inspirés par la lecture de la Diane française d'Aragon, faisant bien attention à respecter les règles de la prosodie, ce qui était peu révolutionnaire, mais fournissait une sorte de charpente à sa vie, qui n'en avait pas. Chansons jamais retranscrites. Ce qui vaut sans doute mieux quand me revient, par exemple, un hexasyllabe où il est question de « oh » et puis « non ». Je ne dis rien. Toutes mémorisées et oubliées depuis, dont il ne subsiste que des bribes, dont le refrain sur la pluie. Il faut croire, cependant, que cette pluie rimbaldienne fit souterrainement son chemin, puisque c'est elle qui inaugure encore mes chants d'honneur comme elle avait inauguré mon répertoire. La pluie, c'est mon blason. Quand elle tombe à Mirabel, avec la violence des pluies méditerranéennes, elle me rappelle que cette eau vient de bien plus loin que de mon rivage atlantique. Je suis l'eau de la vie, disait l'homme Dieu, dont on faisait pleuvoir la parole sur nos têtes du haut de la chair. Et sous mes fenêtres, un paysage galiléen planté de cyprès et d'oliviers, me voilà raccordé. C'était Pages arrachées à Jean Roux. La vie poétique. Autobiographie littéraire en cours d'écriture. Extrait choisi par Julia Minte, lu par Jean-Damien Barbin, avec la voix de Fanny Marie. Musique additionnelle à la guitare, Christophe Rodomisto. Premier épisode, un radeau de jeunesse nommé Guitare. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré et Bastien Varigaud. Assistante à la réalisation, Clémence Gross. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Une façon de chanter, de Jean Rouault, est publiée aux éditions Gallimard. Stones to